champ s'épuise à rouler son foin en ballot. Un village perché sur un rocher lance son clocher vers le ciel. Des pieds de vigne rangés comme des légionnaires attendent le soleil. Des éoliennes pâles et figées guettent les respirations de la terre. Des milliers de tournesols orientent leurs pétales comme des antennes paraboliques. Des îlots d'arbres surveillent d'immenses prairies. Si tu savais comme j'ai peur que le train déraille. Les têtes des peupliers se balancent dans l'air. Un camion de lait lève la poussière d'un chemin de terre. Des fils électriques sautent de pylône en pylône inlassablement. Des chevaux noirs comme des taches d'encre maculent un champ citron. Et tous ces paysages défilent comme une vie avant la mort. Si tu savais comme j'ai peur que le train déraille, qu'il loupe un virage, se couche sur le flanc, qu'il écorche des centaines de mètres ses bosses et ses plaies, qu'il vide sur la terre irrégulière des litres et des litres de sang, qu'il laisse échapper sur le sol comme de la bave de limaces blessées. Mais il est toujours debout, fier d'exhiber sa carcasse filiforme. Et le paysage se déroule comme le papier à musique d'un orgue de barbarie. Un village de pierre titube en tirant sur son dernier joint. Dans les pâturages, des vaches nostalgiques se racontent leur enfance. Des fleuves affamés lèchent du gravier en attendant des jours meilleurs. Des fermes abandonnées tiennent leurs ruines avec une petite dignité. Les robes ensanglantées des coquelicots frémissent sous le vent. Des enfants courent emportés par leurs jambes sauvages. Des oiseaux crachent de l'azur à la tête de la lune. Et je pleure que le train déraille, que ton regard me quitte et prenne la clé des champs. Je ne sais pas si je pourrais m'en passer, si l'automne aura la même odeur, si le bleu aura la même couleur, si la pluie aura la même douceur, si les fruits auront la même saveur, si l'amour donnera encore du bonheur, parce qu'il m'aura tout pris. Et le train continuera de partir, il ne fera plus que partir, il n'arrivera jamais nulle part, il n'y aura plus de destination, que des rails. Que des rails, des kilomètres de rails, à avaler et à vomir. Et ton reflet sur la vitre qui flottera sur un paysage éteint. Et ton reflet sur la vitre qui flottera comme un fantôme dépressif. Et le soir se collera à la fenêtre et effacera ton image. Et dans la nuit, le train continuera de partir. Ses phares balayant mètre après mètre. Le désespoir mystérieux des ténèbres amnésiques.